La Corée connaît de nombreuses réalisations scientifiques. Le complexe chimique de Suncheon a établi le procédé de production du fer par réduction à chaud à l'aide du haut fourneau vertical à oxygène capable de produire la fonte de haute teneur à partir des ressources nationales sans recours aux coques et normalise la production de la fonte liquide. L'université Kim Il-sung a fabriqué les outils coupants en céramique qui ont la durée d'usage 2 ou 3 fois plus longue que les outils coupants de métal dur, dont tous les indices techniques sont au niveau mondial avancé et le prix de revient ne coûte que 30 ou 50% de celui des outils coupants de métal dur. Elle a aussi adopté la technique d'épuration des eaux à l'aide des flotteurs écologiques capables de purifier au moins 95% des eaux de la rivière Botton. Cette technique consiste à couvrir 25-30% de la surface de la rivière des flotteurs où sont plantés les plants de riz et les plantes décoratives. L'Institut d'automatisation du chemin de fer a réussi à l'étude pour la fabrication du convertisseur à utiliser comme le moteur générateur de l'actuelle rame de métro. La verrerie d'amitié de Dean a établi le procédé de fabrication des fenêtres en plastique à verre creuse, susceptible de contribuer à la construction des bâtiments verts et énergie effective. Le ministère des Sports a mis au point des programmes, des équipements et matériels, des produits alimentaires fortifiants, capables d'améliorer les performances des sportifs et sportives.